La politique est-elle une science? On débat aujourd'hui des rapports entre science et politique, notamment depuis la pandémie de coronavirus, qui a mis en scène le rapport entre l'expertise scientifique et la décision politique. Mais pour comprendre le rapport entre science et politique, pour comprendre pourquoi la politique a besoin de la science, il faut aussi se demander, se poser cette vieille question de savoir si la politique elle-même est une science ou ne l'est pas et pourquoi, et à ce moment-là, pourquoi elle a besoin de la science. La politique, dans ses deux fonctions principales, a certes besoin de la science, tout en ne pouvant pas en être une elle-même. Dans sa première fonction, en effet, la politique a pour but de prévenir les dangers qui peuvent affecter une société ou une cité, de nous protéger contre des dangers comme les catastrophes naturelles ou même les crises économiques, prévenir une société contre l'appauvrissement de ses ressources, l'adéquation de ses ressources à ses besoins, et même aussi contre la guerre, les dangers qu'on croit souvent extérieurs. Et pour cela, il faut bien entendu les connaître. Il faut donc une science de la nature, se mettre d'accord sur la vérité des dangers, une science des comportements et des ressources humaines, et l'économie a pris une place de plus en plus centrale, évidemment, dans la politique. Mais la politique peut-elle se réduire à ces sciences? Il est évident dès ce premier domaine que ce n'est pas le cas, tout simplement parce que devant les faits, il y a toujours plusieurs actions possibles, la liberté l'implique, et la politique n'est pas seulement un savoir, mais un choix. Il y a donc aussi des valeurs, et cela nous ramène au deuxième ordre de la politique qui a pour objet non seulement de nous préserver des dangers objectifs, mais aussi de nous préserver des risques de conflits entre nous, de conflits de valeurs, de désaccords sur la justice elle-même. C'est pourquoi la politique n'est jamais seulement, en tout cas, une science des faits de la nature, une science objective réservée à certains domaines. Mais dans ce domaine de la justice, on pourrait se demander finalement si la politique n'est pas une science, n'y a-t-il pas une connaissance absolue du juste et de l'injuste, comme le pensaient en effet les philosophes grecs. Aristote et Platon ont pensé que la politique était une science en ce deuxième sens. Platon comparait même la science de la justice aux mathématiques. Il y aurait une vérité absolue de la justice, c'est pourquoi il pensait, et en un sens il faut s'en préserver, que le philosophe devait être roi. Mais pour Aristote, en un autre sens, la justice était l'objet d'une connaissance, parce que l'homme est un être qui doit accomplir ses principes comme tous les êtres vivants, un être de la nature, et il y a donc une connaissance de l'homme, qui est une science de la justice. Nous ne le pensons plus, et je crois que nous avons raison. Mais malgré tout, il faut connaître les différentes positions des humains, appliquer des principes de justice justement pour les organiser, c'est ce qu'on appelle la démocratie, et pour connaître en réalité les problèmes des êtres humains au-delà des faits objectifs économiques ou scientifiques, il faut toutes les sciences de l'homme et de la société, de telle sorte que la politique n'est pas une science, mais pas en deçà des sciences, mais au-delà, a besoin de tous les savoirs pour proposer des choix justes aux êtres humains, et qu'on pourrait dire d'elle ce que Canguilhem disait de la médecine, qu'elle n'est pas une science, mais qu'elle est un art au carrefour de toutes les sciences.